komi pastan ye panaya bona zangi de mosolo obo sani le temps passé papa si royonga ina mona ponayo bolingwe pesinga ta merci terre chérie maria le lana komi pastan ye panayo mama bona zangi de mosolo Bobo sani le temps passé papa si royonga ina mona kampona yo bolingwe pesinga ta merci terre papa boti bayo ba finginga pauvre malheureux mobola nazanga hello koni nyango nazali na yango oyo na koki kopesa na yo makolo bako kutanga na yo lisusu na nzela Bako tia vinanga na danger Pitan e reçoa banyo pa mike mike wana Papa boti bayo ba finginga pauvre malheureux mobola nazanga Hello koni nyango nazali na yango Oyo na koki kopesa na ya Makolo bako kutanga na ya lisusu na zela Bako tia vinanga na danje ya Simon Maïdo Jean-Jacques Kilo Nami tuni na mote maome na miyoke lima wao Eske koma mine longi nangana kokufa pauvre Po bango bakani wo babalisa yo Na moto roro ya monsolo Cheri nanga e na moto ya monsolo Julia le kia romi e na moto roro ya monsolo Ala ya tutu e na moto ya monsolo Chanel ya katie na moto roro ya monsolo Nami tali na tala tala wome na miyoke lima wao Eske koma mine nongi nangana kokufa malole Po bango bakani roro babalisa yo Na moto roro ya monsolo Nana ote misie na moto ya monsolo Lovely ya petit emilie Gomonda dudue Mote mona goda Sheri nangara Innocent zemboe Moto ya monsolo Salon afro authentique Je dorote sana Gochi bukasa Kombi langa bomengo bade za kizeko Mpona kalate Switzerland, hein? Thierry Mogratana, le beau gars. Difficile la vie à Motororo, y a Pierre Bindao. Difficile na vie à Motororo, y'a Pierre Bindao. Saki totalaka yangolo kola na cinéma mama. Saki totalaka. Alors, bandeko babolingo. Slowly. Sikoyo. Bokoyoka équipe Oyo. Oh, notre bébé. Jenny, mwana ya mwana na biso Strevos Nyarkos. Alors si ko boko yoka équipe oyo ya makasi. Toko banana no libosona. Bulantulu, Al Pacino. Kala bakoko babalaka na mungwa yabiso baleki ekoma falanga wowo toyoka na gambo yete na bolimbo yo toyoka na ganga na yo tina zuki ya pe jiri koli Bukavu yamba bisoy Dina lini yo pepi si bolingo Otiki ngala mawa mbay moko ime Iotiki ngala mawa na lele o Iotiki ngala mawa janjake kilwa o Iotiki ngala mawa lolo mutima Iotiki ngala mawa nzwala senzuzi o Iotiki ngala mawa o sima mailo Dorothée, Chanaro, Afro-Authentique Mawananga, analela ime maloui Mawananga, analeli ma Mawananga, analeli cheri kamaye Alain Sokoto, Julien Bembeo Baby, baby Il bosse le grand bâti. Mobali a chuchu l'ouambo. Attention, y a déception à soi. Et panayo, na bolingo, na pesati. Et mataka des fois plus que souci. Ya pardon oyona sala kana yango yango sua plate ya genocide na la vie nanga oh si se katanga le grand katangi bolingo lokola pomo ya moto oyanga se lokola separation e akase na tango basela kangote ngai na prefere le na sentiment Poetica kase ese mona mote maya motubu La surprise de la soirée New Jack Akomelinga yo mokanda mabeo Ezalinga yo pasina mote mao Na beli bongo e Kolo ya joli na lela na nanyo na leli maria Alors to se fait le tour na délégation na Bino Claudine Kinoa Colette Nzongo To bomenga libérateur quoi Libérateur Wow Libérateur New Jack Est-ce que tu gosse le ko wala te To se fait Jean Marie Lukuka Sidi Wow Para papa na Christelle Akomeli ngayo mokanda ya mabeo Ezali ngayo pasina mote mao Na beli bongo e likolo ya joli Na lela na nanyo na leli maria De pasko ndinga Na leli maria Sele pambano Na leli maria Kodine kinwa Na leli maria Merci, Jean-Marie Lukukase. Sa Majesté, Christian Lema, moi na poto, hein, naturalisé belge. Bonsoir à tout le monde. Riva Menganes Bamola. Mandola bella mi amore Mandola bella colette nzongo Hey you goes to win to na mia vida Hey you goes to win to na mia vida Betty Kapamba Hey you goes to win to na mia vida Junior Kapamba ah, ah, ah. Musefu Langenge Awe Ambrosio Deli Mandola bella juju mwanga baby arata Mandola bella baby baby baby baby Hey you go to mwintu na mia vida juju mwanga Hey you go to mwintu na mia vida river ya menga Hey you go to mwintu na mia vida kolete nzongo Vos señora maravillosa river menga chanté de vous voir Merci bien Alors pour nakosukisa chapitre ya suka ya Bible Apocadero Apocalypse Polydor on est mort C'est toi qui as voulu ça Commando, ma commune a démarche à caméléon dit Yoka Bampema, Crevis Mangoubo, Maïkalala. Yé, yé, yé, yé, yé, au Panama Sinao. Tosengi na Nzambe, halimisa bango. Tosengi na Yawe, halimisa bango. Nama beba sala ba finga vie piton e Nama beba sala ba ignora kolo histoire Eko mama na biblia ke na suka ya siekle Eko mama na biblia ke na ntango ya suka Botosi eko zanga ba nepa ya bakulutu Toka mwani te to tanga de timo De shabi de ma polidore o E o o Loris la congolaise Mais difficile na vie à Motororo, y'a bien rebinda wa Mais difficile na vie à Motororo Malé Malé Okumbeli bisonani yo Aoti Rotterdam Ayena ba Florent Pesa biso angote Ozo ya nango ha Mama e Difficile na vie à Motororo ya Pierre Binda wa Soki tota la kayangolo kola na television Soki tota la kayangolo kola pe cinema Ah japonais na kati ya barigo Enrique Kenzo Jimmy Malenga Yankoluku sa papa d'or Les transférés Oyo oh, moi na color orchestre De l'île de Genève. Le Vendôme, Papa Narabi. Ok. Omba Lumumba. Alors Eric Kenzo na ebisa kibino akomi transféré awana ya awana kati ya Panama na série ba japonais kaka. Ba petit nangoyo kitoko. Merci ba petit. Merci. Rushmana Celestial. Sakita tala kayangolo kola na télévision, sakita tala kayangolo kola pe cinéma. Mbele to se kakarara, bato théâtre, mbele to néglige akapere, bato théâtre, o ebita un jour ciné Poitiers, yepe akozua o, mika ya Fatuma o, un jour akobima o, Simon Mavinga o, bango pe bakozua e, bana moloka yo.